troubadour, je suis un troubadour, sans trompette et sans tambour. Troubadour, je n'ai qu'un horizon, l'amour est ma chanson. Mon destin, c'est moi qui l'ai choisi, en suivant le chemin de ma vie. Troubadour, sur ma route un beau jour, une fille m'a donné son amour. Saltimbanque à tout faire, mime, jongleur et vent, j'ai parcouru la terre sous la pluie et le vent. Je suis un troubadour, sans trompette et sans tambour. Troubadour, je n'ai que des chansons, je traverse les saisons. Je ne suis plus seul, j'ai un amour. Quelle aujourd'hui, j'ai trouvé le chemin de ma vie. Quelque part sur la terre, il y aura pour nous deux un coin, une rivière.